Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Dans Breaking Bad, célèbre série américaine, un enseignant de chimie tourne mal en produisant des drogues illicites pour financer ses traitements de chimiothérapie. Eh bien, une découverte de chercheurs américains de l'Université Berkeley laisse imaginer une suite à la série Brewing Bad, ou comment produire des opiacés grâce à des levures, un peu comme on fait de la bière. Pour nous parler de cette découverte et d'autres liens historiques entre les biotechnologies et la drogue, nous recevons cette semaine notre chroniqueur Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique Jean-Daniel Doucet. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Valérie. Donc, peut-être qu'il faut d'abord avertir nos auditeurs que cette chronique traite abondamment de drogues dures. Alors peut-être, on voulait juste vous en avertir. Donc, Jean-Daniel, est-ce bien vrai qu'on peut produire des drogues dures à partir de levures? Ben presque, Valérie, parce qu'il reste encore quelques améliorations à apporter. Mais selon un article paru ce lundi dans le Chemistry World de la Royal Society of Chemistry, qui est une organisation britannique, ben il y a des scientifiques qui seraient sur le point de produire de la morphine, de l'héroïne ou de la codéine, par exemple, grâce à Saccharomyces cerevisiae. Mais ça, c'est pas la levure qu'on utilise pour fabriquer la bière? Oui, c'est exactement celle-là. Et bon, ça peut paraître surprenant de produire de la drogue dans une levure, mais bon, faut se rappeler que ça fait des milliers d'années qu'on produit de l'alcool avec cette levure-là. Et donc, on produit déjà des drogues avec de la levure. Et d'ailleurs, bizarrement, la drogue et l'alcool ont eu un rôle crucial à jouer dans l'évolution des biotechnologies, c'est-à-dire dans l'utilisation du vivant pour la production de biens pratiques pour l'humanité. C'est vrai que la découverte de la bière, ça remonte quand même assez loin. C'est pas une découverte récente. Non, c'est vieux comme le monde, comme on pourrait dire. Donc la fermentation, c'est probablement le premier processus à utiliser un sous-produit d'un organisme vivant. Dans ce cas-ci, l'enzyme, qui est une protéine qui va accélérer une réaction chimique. Alors, selon toute vraisemblance, il y a 7000 ans environ avant Jésus-Christ, l'inventeur de l'alcool aurait oublié un jus sucré dans une poterie néolithique quelque part sur le territoire actuel de la Chine, où il y a toute une chimie bizarre qui s'est passée dans ce pot-là. Donc, après quelques jours, le jus change de goût et on donne un drôle d'étourdissement à la personne qui le boit. Alors, on vient de brasser le premier breuvage alcoolisé. Mais cette découverte-là va ouvrir la porte à un paquet d'autres biotechnologies alimentaires. On peut penser, par exemple, à la fermentation qu'on utilise dans le pain ou aux micro-organismes qu'on va utiliser aussi dans le fromage. Mais c'est vraiment, Valérie, au tournant du 19e et au 20e siècle, en pleine révolution industrielle, que la bière va pousser les biotechnologies à un autre niveau carrément. Alors, du moins, si on se fie à l'ouvrage « The Uses of Life, History of Biotechnology » par Robert Budd, donc oui, c'est le nom de l'ouvrage qui traite entre autres de bière et de biotechnologie, Monsieur Budd, qui est sans blague conservateur du volet médecine au Musée des sciences de Londres. En fait, à la fin du 19e siècle, on ne parle même pas de biotechnologie à ce moment-là, on parle plutôt de zymotechnologie. Mm-hmm. Et ça vient du grec zym. Et zym, ça veut dire ferment ou levain, ou en mot clair, un agent de levage qu'on utilise pour faire lever le pain. Donc on voit le lien avec la fermentation. Exactement. Donc à l'époque, il y a une série de découvertes scientifiques qui vont permettre un meilleur contrôle des micro-organismes, puis l'industrie de la bière va les mettre à profit. Donc vers la fin du 19e siècle, il y a des gouvernements, l'Allemagne, le Danemark entre autres, et des entreprises privées qui vont fonder des instituts qui sont voués à la bière. Il va y avoir, entre autres, à Copenhague, l'Institut Carlsberg, qui dit peut-être quelque chose aux gens qui nous écoutent, donc la célèbre bière Carlsberg. Alors, les buts de ces instituts de la bière-là, c'est d'isoler des levures pures pour comprendre la contamination et étudier, la chimie de la bière. Tout ça va permettre de stabiliser la constance de la production. Et par exemple, à l'Institut Carlsberg, on va entre autres découvrir le rôle néfaste des levures sauvages qui viennent contaminer les productions de bière. Donc, mieux vaut à ce moment-là isoler des souches de levure pure qu'on connaît et qu'on a bien caractérisées. Ouais. Et est-ce que c'est important à cette époque-là, la recherche sur la bière? Ben, en 1909, il y a 80 scientifiques, chimistes, des biologistes, des nutritionnistes, des physiologistes qui travaillent à l'Institut pour la fermentation technologique industrielle à Berlin. Ouais. Et ils travaillent à cette époque-là avec un budget annuel de 2,5 millions de marks. Si on essaie de transférer ça en dollars américains, en valeur actualisée, ça représente environ 100 millions de dollars. Ouais, c'est pas mal, hein? C'est énorme. Ouais. Puis bon, avec la Première Guerre mondiale qui va arriver, fort de toutes ces connaissances-là, on va utiliser les immunotechnologies pour pallier le manque de certaines ressources. Il va y avoir entre autres le chimiste russe Chaim Weizmann qui va produire de l'acétone, un composé brut important pour les explosifs des Alliés, en fermentant de l'amidon. Alors même ici au Canada, on a participé à cet effort de guerre-là avec les levures, avec la British Acetone Toronto, qui a fourni les Britanniques en précurseurs d'acétone, selon un article paru récemment dans le Microbiology Today. Après la Première Guerre mondiale, bien évidemment, on va constater l'énorme potentiel des micro-organismes et de leurs produits là, dans un paquet d'autres domaines que la fermentation. Donc, la levure, ça sert pas juste à faire de la bière. Avec l'intégration de plusieurs autres sciences à la zygmotechnologie, on va migrer progressivement vers un concept plus général de biotechnologie. Mm-hmm. Donc, la bière et les drogues ont poussé les innovations biotechnologiques au cours de l'histoire. Mais revenons à la fabrication des opiacés à partir de levure. Pas que je cherche à en faire à la maison, là, rassure-toi, mais ça marche quand même. Comment? Oui, ben oui, non, évidemment, on n'est pas rendu à en fabriquer à la maison non plus. Donc, les opiacés, ben il faut savoir d'abord que c'est un groupe de molécules qui est très large. Elles font partie des benzylisoquinolines, qui est une famille de 2500 composés, dont plusieurs ont une activité pharmacologique et plusieurs sont carrément des drogues dures comme l'héroïne, entre autres. Mais il y a aussi plusieurs de ces produits-là qui vont avoir des utilités médicales. On peut penser, entre autres, à la morphine. Donc, on les produit normalement, ces molécules-là, dans des plantes à l'extérieur des laboratoires. Sauf que si on arrive à produire la morphine, par exemple, dans un laboratoire confiné avec de simples levures, on va peut-être diminuer les risques de détournement de l'exploitation. Et donc, à tout le moins, on pourrait faciliter l'approvisionnement des chercheurs qui tentent de comprendre les mécanismes des opiacés pour diminuer la douleur des patients. Et est-ce que ça marche, ça, la production d'opiacés à partir de levure? Le processus est complexe, ça demande 16 étapes. Il faut donc incorporer dans une même levure tout le matériel génétique qui va catalyser, accélérer 16 réactions chimiques. C'est pas si simple que ça. Donc, jusqu'à maintenant, on arrivait assez bien à catalyser, à insérer dans une levure les gènes pour produire les dernières étapes. Mais les premières étapes des 16 sont un peu plus difficiles. Or, il y a l'équipe de John Duber de Berkeley qui vient de réussir une des premières réactions clés dans une levure grâce à un gène de betterave. Mm-hmm. Oui, donc les betteraves qui sont utiles dans les levures pour produire de la drogue, faut le croire. Et ces premières étapes-là vont servir à la fabrication, évidemment, des opiacés comme les benzylisoquinolines. Jean-Daniel, il faut qu'on conclue en une minute. Oui, en une minute, donc, s'inquiète certainement les gens. Bon, est-ce qu'on va réussir à produire la drogue dans des levures, brasser des drogues dures à la maison? Évidemment, il y a toute une série de régulations qui peuvent être mises en place pour éviter de répandre cette levure-là. En théorie, avec un kit de levure à la maison, un kit de brassage de bière, on pourrait effectivement brasser des drogues, mais il y a une série de manipulations génétiques qu'on peut faire pour s'assurer que la levure ne survive pas en dehors des laboratoires des scientifiques. Ah, non, j'imagine qu'il y en a qui vont y veiller. On va espérer, mais une chose est sûre, il va falloir avoir une surveillance très, très proche de ce processus-là. Ouais.